Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Mortimer à Paris, Mortimer en région parisienne, à la fin des années 50. Mortimer, de Black et Mortimer, Mortimer, un scientifique curieux et un homme d'action. Et quelle action ! Cette action qui fut suivie semaine après semaine par les lecteurs du journal Tintin, à la fin des années 50, puis par les auditeurs, les jeunes auditeurs de France 2, régionale, c'était en mars 1962. Mais nous sommes tous de jeunes auditeurs. La chance, c'est la muse des policiers et des enquêteurs, pense le professeur Mortimer à haute voix. Heureusement, sinon on ne l'entendrait pas et l'on aurait du mal à suivre à la radio l'action, la fameuse action. Voici les épisodes 9, 10, 11 et 12, plus le courrier des petits auditeurs. On est encore loin de la conclusion de cette grande aventure. Avec Mortimer donc, mais bientôt avec le capitaine Blake. Première diffusion sur France 2 régionale, les 31 mars, 3, 5 et 7 avril 1962. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les grandes aventures de France 2. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemay. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 9e épisode. Nous sommes toujours en plein mystère. Depuis qu'il est l'hôte de son ami le professeur Labrousse de la Météo Nationale, le professeur Mortimer s'inquiète devant les événements qui, autour de lui, se succèdent à un rythme anormal. Un accident de voiture, la disparition du chauffeur Ernest, un cri humain, puis les aboiements furieux d'un chien dans la nuit, l'attitude agressive d'un inconnu dans les bois de la Genest, enfin, la découverte de la voiture américaine rencontrée à Paris quelques jours auparavant. Oui, tout cela inquiète Mortimer, et il décide d'explorer minutieusement les environs. Vêtu d'un costume de chasse, il part, évitant les endroits où l'on pourrait le repérer. En effet, vous savez que les gendarmes, le considérant comme suspect dans l'affaire du chauffeur de taxi, ont retenu son passeport. Quand nous rejoignons notre ami, la nuit est venue et il neige à gros flocons. Près de l'étang de Troussalet, Mortimer explore un vieux bâtiment dans lequel il a déjà repéré le matériel nécessaire à la seconde phase de son entreprise, c'est-à-dire l'exploration. Ah, l'échelle est toujours là, c'est parfait. Oui, elle n'est pas de la première jeunesse, mais en me faisant léger, puis j'ai pas le choix. Ah, la corde. Bon. Eh ben, maintenant, il va falloir y aller. Il n'y a personne. Non, quand je pense que je dois me cacher parce qu'on me suspecte, moi, obligé de pénétrer nuitamment dans une propriété privée, et pas escalade encore. Oh, Philippe Mortimer, le professeur Philippe Mortimer, gentleman cambrioleur. Enfin, puisque je ne peux agir que clandestinement, allons-y. Bon, la route est libre, c'est le moment. Voilà, le mur du parc. Bon, bah, j'espère tout de même que les échelons restants tiendront. C'est pas le moment de se casser une jambe. Aïe, aïe, aïe, il n'arrive pas en haut du mur. Oh, avec un petit rétablissement au fait, ça ira. Cette corde au dernier échelon, je pourrais la tirer pour redescendre de l'autre côté et éventuellement faciliter ma retraite. Là. Allez, maintenant, je vais tirer l'échelle. Hop. Et la basculer. Hop. Oh. Well. Bon, après l'escalade, la descente maintenant. All right. Maintenant, je vais dissimuler l'échelle, parce qu'on ne sait jamais. Hein? Maintenant, voyons, ce cours d'eau, c'est dans cette direction. Oui, mais avant d'aller plus loin, je fumerais bien une bonne pipe, moi. Seulement, c'est peut-être pas prudent. Il se peut qu'il y ait dans les environs des narines sensibles. Mortimer, sois audacieux, mais pas téméraire. Bon, alors ici, je m'y reconnais. C'est là que j'ai failli me noyer. J'espère que cette exploration sera fructueuse. Oui, voilà la voûte où j'ai failli m'assommer, là, quand le courant m'entraînait. Oh, Philippe, mon ami, tu es sur la bonne voie. Remontons par là, maintenant. C'est ça, vers la vanne. Ah, puis cette neige qui tombe toujours. Pourvu que ce brave Labrousse ne s'inquiète pas trop. J'ai l'impression que j'ai encore des choses à découvrir par ici. Bon, alors, celle-ci était prévue. La vanne. Oui, c'est bien là que j'ai été submergé par la chute avant d'être entraîné vers le tunnel. Alors, il faut que je passe sur l'autre rive. Voilà l'étang de l'autre côté. L'étang dans lequel le taxi de Spauver Ernest est venu donner de l'avant. Alors, est-ce que je vais relever une piste ici, moi? Ah, si seulement je savais où est Ernest. Et ce cri angoissé l'autre nuit, était-ce lui seulement? Puis alors, pourquoi? Puis ces aboiements terribles. Ouais. Oui, ben pour les empreintes, inutile d'y compter, la neige a tout recouvert. Pourtant, je suis sûr que c'est par ici que nous avons dévalé le talus. Mais où exactement, ça? Ah, damn it, que faire? Alors, ne nous décourageons pas et comptons sur la chance. La chance, c'est la muse des policiers et des enquêteurs. Tiens. Qu'est-ce que c'est, cette odeur? Pas de doute, c'est celle de l'ozone, comme l'autre soir. Ah, alors c'est bien ici que le taxi s'est enlisé. Eh bien, dans ces conditions, il n'y a plus qu'à aller en reconnaissance du côté de l'ancien château. En évitant autant que possible l'étang, parce que... Brrr, il ne doit pas y faire chaud à cette heure. Seulement, je me demande pourquoi cette odeur d'ozone dans un lieu désert. Ah ben voilà, je distingue les bâtiments derrière les arbres. Dans la nuit froide, la silhouette fantastique de Mortimer avance prudemment. La neige s'épaissit. Au loin, par intermittence, le cri d'un oiseau. Encouragement au signal d'alarme. Mortimer vient de passer près d'un petit sapin. Quand brusquement, il s'étale de tout son long en étouffant un juron. God damn! Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? C'est une racine ou quoi, ça? My lord! Ce sont des cordes. Des cordes et... Oh! Des filets de camouflage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ça se complique, alors. Pourquoi des filets de camouflage ici? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? La terre qui se soulève. Elle s'ouvre maintenant. Oh, et cette coupole. Mais on dirait celle d'un observatoire. Ici, c'est ahurissant. Nous sommes en pleine science-fiction. Oh, mon petit Mortimer, il ne s'agit plus que d'être très prudent maintenant. Lueur bleuâtre. Et l'affaire y continue. Qu'est-ce que c'est ça, une antenne? Non, c'est... Damn it, c'est un radar. Et alors? Oh, il cherche quelque chose, c'est certain. Quelque chose ou quelqu'un. Et cette deuxième tige de métal dirigée vers moi. Malheur, le radar s'est immobilisé. Le cône tournait par ici. Il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut filer. C'est moi qu'on a repéré. Il faut que je sorte du parc le plus vite possible. Il le faut, sinon je... Et Mortimer court aussi vite qu'il peut vers la vanne. Il la franchit, mais tout à coup une sorte de sifflement se fait entendre et de la tige de métal qui domine le dôme sort un jet de gaz phosphorescent qui prend pour cible notre pauvre ami. Cette vapeur verdâtre, oh ma tête, on m'a asphyxé. Ah, oh, je peux plus, moi. Le mur, l'échelle, vite. Il faut que je sorte. Il faut sortir. Ah, l'échelle. Ah, debout. Il faut que... Oh, ma tête. Ah, ça y est. Le mur. Contre le mur. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Ces masques... Qui êtes-vous? Comme voulez-vous. Ah! Non! Non! Oh. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Jacques Morel dans le rôle de Mortimer. Bruitage et imitation, Joé Noël. Chef opérateur du son, Jean-Jus Forg. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemain. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemain. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 10e épisode. Ainsi donc, le professeur Philip Mortimer a été victime de son audace. Dans le parc soi-disant abandonné qu'il explorait, il a eu le temps de voir sortir de terre un dôme métallique, puis sont apparues deux longues tiges, l'une portant un radar, l'autre une sorte de cylindre. Le radar s'est mis à tourner très vite, puis s'est arrêté, son cône tourné vers Mortimer affalé dans la neige. Enfin, le cylindre a projeté vers notre ami un nuage de gaz phosphorescent. Affolé, Mortimer a tenté de fuir, mais au moment où le malheureux allait dresser son échelle contre le mur du parc, il est retombé vaincu. Pourtant, avant de sombrer dans le néant, il a encore vu trois formes s'avancer dans la vapeur maléfique. Trois formes aux cagoules percées à la hauteur des yeux de curieux hublots. Mortimer a encore poussé un cri, puis il s'est évanoui. Alors, les formes l'ont soulevé et l'ont emporté vers le dôme qui bientôt rentrait sous terre. Le lendemain, à la fin de la matinée, nous retrouvons au siège de la DST l'ami de Mortimer, le capitaine Blake, de l'Intelligence Service, en conversation avec le commissaire divisionnaire Pradier. Les deux hommes s'entretiennent d'une grave affaire d'espionnage pour laquelle Blake est venu en France. En conclusion, je reste persuadé que le centre du mystérieux réseau doit être recherché à Paris même. C'est aussi mon avis. Malheureusement, les indices vraiment sérieux manquent encore. Jusqu'à maintenant, nous nous contentons de surveiller la correspondance de plusieurs firmes étrangères qui, pour des raisons diverses, nous inspirent des soupçons. Je vois. On doit d'ailleurs m'apporter d'un instant à l'autre les résultats des dernières analyses. Mais pour être franc, je n'ai guère d'espoir. Ah, entrez. Durand, entrez donc. Blake, je vous présente Durand, le chef du laboratoire. How do you do? Mais vous en faites une tête. C'est dans ses lettres. Toujours rien, monsieur le commissaire. Absolument rien d'anormal, c'est désespérant. Qu'est-ce que je vous disais, Blake? Tenez, monsieur le commissaire, je vous les rends. Merci. Puis-je jeter un coup d'œil sur ces enveloppes, commissaire? Je vous en prie. Merci. Sans les ouvrir, je puis vous garantir qu'on les a épluchées, sérieusement. Vous savez tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces enveloppes? Pour ça, alors. Pradier, oui. Vous avez une loupe, s'il vous plaît. Une loupe? Oui. Voilà. Merci. Cette enveloppe-là vous paraît suspecte, monsieur? C'est bien ce que je pensais. Qu'y a-t-il? Tenez, Durand. Oui. Prenez la loupe, regardez à l'entête de cette enveloppe. Voyons. Regardez bien. Non, je vois rien d'anormal. Scandinavia, Stockholm et cette barque de viking surmontée d'une couronne comtale. Oui. Exact, mais concentrez-vous sur la seconde perle de cette couronne. Ouf! Bon sang! Eh bien, Durand! Une minute, patron, je reviens! Enfin, Blake, me direz-vous? Excusez-moi, juste un coup de téléphone. J'avais rendez-vous au Louvois avec Mortimer et le professeur Labrousse. Et bien sûr, faites. Mon cher Pradier, j'ai l'impression que Durand va revenir avec le sourire. Excusez-moi. Allô, le Louvois? Ici le capitaine Blake. Je voudrais parler au professeur Mortimer, Philip Mortimer. Ah, je regrette, capitaine. Monsieur Mortimer n'est pas ici. Mais le professeur Labrousse est dans le hall. Une seconde, je vous prie. Alors? Mortimer n'est pas là-bas, mais on va me passer. Allô? Oui, j'écoute. Ici Labrousse. Bonjour, capitaine. Figurez-vous que je suis très inquiet au sujet de notre ami. Il est parti en exploration dans les environs de Jouy-en-Josas. Il aurait dû rentrer hier soir et je ne l'ai pas encore revu. Oui, écoutez, professeur. Je suis retenu à la DST. Pourriez-vous m'y rejoindre? Mais très volontiers. Vous demanderez le commissaire Pradier. D'accord, j'arrive. À tout de suite. Dites-moi, mon cher, je ne voudrais pas être indiscret, mais qu'avez-vous repéré sur cette enveloppe? Durand est sorti comme s'il y avait le feu. Oh, ce n'est pas sorcier. J'ai remarqué que l'une des perles de la couronne brillait sous la lumière frisante. J'en ai aussitôt déduit que cette perle était en réalité un microfilm, portant vraisemblablement des indications très précieuses. Nom d'un chien! Le coup du micro-point de Zap! Oui, et on utilisera encore longtemps à des fins plus ou moins avouables la géniale invention du Herr Professeur Zap. Mais comment se fait-il que Durand n'ait pas... Oh, ne l'accablez pas. Pourquoi aurait-il épluché cette enveloppe de la Scandinavia avec plus de minutie que les autres? Oui. Par contre, pour moi, cette firme est une vieille connaissance. Et puis, ici, difficulté supplémentaire, le point n'est pas utilisé dans la ponctuation, mais comme un élément décoratif dans un ensemble constitué par la couronne. Ils sont très forts, dites donc. De notre côté, Pradier, nous ne sommes pas maladroits. Et autrement dit, du sport en perspective. Certainement. Mais dites-moi, quel est le correspondant parisien de la Scandinavie? Oh, un nom invraisemblable. Attendez, c'est un certain... Per Henrik Quastron, import-export. Je vais d'ailleurs demander au fichier des renseignements complémentaires sur ce coco-là. Fichier, écoute. Faites-moi monter le dossier du nommé Per Henrik Quastron. QUA, import-export. Je l'attends. Compris. Pendant ce temps, le professeur Labrousse arrive à la DST. Oui? Le professeur Labrousse, monsieur le commissaire. Faites entrer tout de suite. Bonjour, professeur. Entrez donc. Je vous présente le capitaine Blake. Enchanté de vous connaître, capitaine. Comment allez-vous? Monsieur le commissaire, l'agrandissement de la perle. Ah, donnez vite. Et pour ce qui est du message, ma langue au chat. Merci. Voyons. Un message en code, évidemment. Encore faudrait-il en connaître la clé. Enfin, le chiffre nous tirera sans doute d'embarras. Mais nous allons perdre du temps. Et chaque minute compte. Vous permettez? Merci. Messieurs, je crois pouvoir vous aider. Comment? Vous? Un météorologue? Mais justement, il s'agit tout simplement de la transmission en code d'un message concernant les observations météorologiques comme on effectue régulièrement toutes les stations de l'Organisation mondiale météorologique. Ce message est destiné à l'établissement des prévisions du temps. Par exemple? Oui, capitaine. Voyons, 3X1, indice probable de la station émettrice. Région... 1, 4 courants, 12 heures, tiens, temps universel, France 00. Ça, c'est sans doute l'indicatif de la station réceptrice. Nébulosité totale, nord-ouest, 70 nœuds, visibilité, etc., fort orage, neige, pression atmosphérique, oui, cumulonimbus, tornade, oui, bon. Eh bien, c'est très clair. Ah, vous trouvez? Cela signifie que dans les prochaines heures, on peut s'attendre à d'importantes perturbations venant du pôle Nord. D'autre part, un détail me paraît insolite, la date. La date? Oui, les messages de ce genre portent la date du jour où les observations ont été faites. Et ici, on mentionne le 4. En effet, 4 courants. Or, nous ne sommes que le 3 aujourd'hui. Et la lettre ayant été postée à Stockholm, le 2, cela reporte les observations à la veille, c'est-à-dire au 1er. Il ne peut donc s'agir d'observations faites le 4, mais de prévisions pour le 4. Observations ou prévisions, pourquoi diable se faire envoyer de l'étranger, et en grand secret, des données identiques à celles qu'on peut lire dans tous les journaux? En effet, c'est étrange. Tellement étrange que... Que je commence à me demander s'il ne s'agit pas là d'indications beaucoup plus particulières. Et qui viendraient confirmer une théorie du professeur Mortimer. Quelle théorie, Labrousse? Eh bien, messieurs, Mortimer pense que la météorologie aberrante et détraquée que nous subissons en ce moment ne serait pas l'effet de la nature, mais l'œuvre de l'homme. Comment? De l'homme? Oui, messieurs. Quand il m'en a parlé, je me suis un peu moqué de notre ami. Et maintenant, qui sait même s'il n'y a pas de rapport entre la théorie de Mortimer et sa disparition? Labrousse. Oh. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor. Avec Maurice Ténac, le capitaine Blake, Robert Chandeau-Padier, Jean Ozen Labrousse, Pierre-Olivier Durand, Jacques Aveline le planton, Nicolas Amato l'homme de la réception. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean Jusforgue. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langet. Alors, que pensez-vous de ces nouvelles aventures? En attendant vos lettres, en voici quelques-unes qui datent de plusieurs semaines. Une réclamation qui nous vient de Bernard Safrette de Paris, qui nous avait demandé un dessin il y a un an. Vous avez bien fait de nous écrire à nouveau, Bernard. Sans doute, votre première lettre s'est-elle égarée. Nous rappelons d'ailleurs à ce sujet que nous en sommes dans l'envoi des dessins à fin novembre. Alors, si votre demande est antérieure à cette date et que vous n'ayez encore rien reçu, n'hésitez surtout pas à nous réécrire pour nous en faire la réclamation. Si par contre vous nous avez écrit en décembre, janvier, février ou même mars, ne vous inquiétez pas. Nous vous tenons au courant des envois que nous faisons et vous demandons un peu de patience. Votre tour ne saurait tarder à venir. Rassurons encore Michel et Joël Le Guen de Guy Pavas dans le Finistère qui vont recevoir le dessin ces jours prochains. Ceci également pour mademoiselle Brigitte Robert, ses deux sœurs, ses deux frères et leur oncle Jean-Louis. Avant de nous quitter, chers amis, nous vous rappelons encore une fois notre adresse. Les Grandes Aventures de France 2 RTF, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Nicole Strauss et Jacques Langet ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 11e épisode. Le capitaine Blake, ami du professeur Mortimer, vient d'arriver rue des Saussets au siège de la DST, c'est-à-dire à la direction de la surveillance du territoire. Blake a été envoyé à Paris par l'intelligence service pour enquêter sur une grave affaire d'espionnage. Après avoir, en compagnie du commissaire Pradier, compulsé plusieurs dossiers et épluché quelques lettres apparemment inoffensives, Blake découvre un message secret sur une enveloppe. On agrandit aussitôt le document et Labrousse, arrivé sur ses entrefaites, en donne la traduction. Il s'agit d'informations météorologiques en provenance de Stockholm. Mais certains points du dit message inquiètent le professeur, qui évoque alors devant Pradier sceptique la théorie de Mortimer, selon laquelle les détériorations des conditions météorologiques sur l'Europe ne serait pas l'effet de la nature, mais l'œuvre de l'homme. Mais voyons, Labrousse, cela relève de la science-fiction. Bien sûr, il y a les essais à la neige carbonique et à l'iodure d'argent, mais ça n'a pas dépassé le stade des expériences de laboratoire. Je ne suis pas tout à fait de votre avis, Pradier. Si Mortimer a émis une telle hypothèse, ce n'est sûrement pas sans raison sérieuse. Vraiment? D'ailleurs, Et cela vous convaincra, Mortimer a été chargé officieusement de localiser, si possible, le point d'où émanent les phénomènes qui perturbent le climat. Quoi ? Vous en êtes là, l'Intelligence Service ? Oui, mon ami. Vous voyez, commissaire, que l'affaire est très grave. Et Mortimer a disparu, ne l'oublions pas. Enfin, il n'est pas rentré depuis hier. Je suis très inquiet, je ne vous le cache pas. Oui, je comprends. Et si Mortimer a raison, tout se tient. Le réseau qui fait l'objet de nos recherches et dont la mission nous échappait s'occupait en fait de la transmission d'ordres et d'indications météorologiques spéciales venues de l'étranger à une sorte de filiale importante, située vraisemblablement près de Paris. Une filiale qui, à son tour, retransmettrait ces messages à une série de sous-stations chargées, je ne sais dans quel but, de troubler le cours de la nature. Ça alors, c'est ahurissant. Que comptez-vous faire, commissaire ? Eh bien, je vais tout de suite chez le directeur. J'aurais peut-être l'air d'un ballot, mais tant pis. Vous m'avez convaincu. J'essaierai d'en faire autant avec le patron. Si vous voulez, messieurs, rendez-vous ici à 8h. Nous aurons d'importantes décisions à prendre. All right. Capitaine, je vous emmène. Ma voiture est en bas. Well, avec plaisir. Blake et Labrousse quittent la DST, l'air soucieux. Quelques minutes plus tard, la traction avant du météorologue emmène les deux hommes par les rues enneigées. Maintenant, il va falloir nous occuper de Mortimer. Oui, car cette absence prolongée me paraît anormale. Si vous le permettez, je passerai d'abord à mon appartement de la rue de Vaugirard afin d'y prendre certains documents pour la réunion de ce soir. Très bien, nous en profiterons pour téléphoner chez vous à Jouy. Et peut-être Mortimer aura-t-il donné de ses nouvelles entre-temps. Je l'espère, Blake, je l'espère. En chemin, Labrousse rapporte à Blake l'aventure de leur ami commun, du moins tout ce qu'il en sait, jusqu'au dernier coup de téléphone reçu de Buck. Mais dites-moi, Labrousse, ce trou salé, où est-ce ? Et je l'ignore, je ne connais aucun endroit de ce nom. Oh, pardon, monsieur le professeur. Bonsoir, madame Petit. Mais qu'avez-vous ? Je croyais que c'était le secrétaire de M. Henry qui rentrait. Et comme j'ai du courrier pour lui, je voulais... Mais vous ne serez pas sorti de votre loge pour rien. Si vous voulez me donner ce courrier, je le lui remettrai. Nous sommes voisins de palier. Ça vous évitera de monter. Oh, merci beaucoup, monsieur le professeur. Tenez, allez, voici les lettres. Au revoir, madame Petit. Monsieur le professeur. Messieurs. Allons-y, Blake. Pendant ce temps, le curieux voisin de Labrousse téléphone. Il n'a pas l'air commode, ce monsieur. Moustache drue, cheveux en brosse, lunettes vertes. Alors, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Il a pris la custom malgré ma défense ? C'est bon. Je vais lui apprendre à désobéir, moi. Ah, autre chose. Comment se porte notre invité ? Bon, mais surtout, on frappe, je te rappellerai. Salut. Bonjour, professeur, entre... Non, merci, une autre fois, cher monsieur, je suis pressé. Voici du courrier pour vous. Ah, ça c'est très... Mais qu'avez-vous ? Que regardez-vous derrière moi ? C'est cette maudite tragédie, c'est sale temps, j'ai pas mis les nez dehors depuis 8 jours, alors... Ah, eh bien, figurez-vous que j'ai pourtant cru vous rencontrer à Buc hier matin. Ah, mais comment dites-vous, mais en voilà, je ne suis pas allé à Buc, pas du tout. Mais excusez-moi, je croyais avoir vu votre voiture près des étangs. Mais ma voiture est là, professeur, je pense qu'il y a plus d'une voiture américaine à Paris. Mais mon cher monsieur... Oh, ça... Plutôt mal luné, votre voisin. C'est curieux, lui, d'habitude si aimable. Oui, vraiment curieux. Bon sang, il faut que je me mette à l'écoute tout de suite. Tard par l'enfer, il faut que je sache ce que Black vient faire ici. Je téléphone à Jouy, j'ai hâte de savoir. Ce cher Mortimer. Mais dites-moi, Labrousse, il est étranger, votre voisin, il a un curieux accent. Oui, c'est un nordique, je crois. Vous permettez, j'ai Catherine au bout du fil. Allô, Catherine ? Alors, en bas, dans la rue, une grosse voiture américaine bleue vient de s'arrêter. J'ai l'impression que le boss va te sonner les cloches. Ah, t'en fais pas, Freddy. Je sais comment le prendre. Allez, à tout de suite, baby. So long. C'est moi, patron. Qu'est-ce que... Shut up! Tu vois pas que j'ai les écouteurs, non? Et pas la moindre nouvelle. Oh, quel malheur. Comment? Ah, le percepteur connaît un endroit appelé Trou Salé. Intéressant, ça. Dites que nous arrivons. C'est bien, Catherine, merci. J'arrive aussi vite que possible avec un ami de ce pauvre Mortimer. Alors, patron? La custom est en bas? Oui, patron, avec Freddy. Justement, à propos de la bagnole, j'ai... Ça va, Sharky, garde ton bâtiment. Mais bon sûr... Ça va, j'ai dit. Et c'est plutôt de deviner qui se trouve dans l'appartement voisin en ce moment. Dis, hein, pour voir. Je ne sais pas, moi, je ne vois pas, patron. Comment... Black. Voyez-vous... Le capitaine Francis Black de l'intelligence service. Non. Si, Black. Qui t'a si bien roulé dans l'affaire de la chambre d'Horus. Black, lui. Mais c'est impossible. Je... Oh, patron, pas tous les diables, je vais... Du calme, Sharky, du calme. Écoute-moi bien. Fini les gaffes maintenant, il va falloir jouer serré. Oui, patron. Et tant pis pour les idiots qui ont un fromage mou à la place de la cervelle, tu piges. Bon. Alors voilà ce que tu vas faire. Et surtout, surtout, tiens-t'en à mes ordres strictement. Quel temps. Ça se remet à tomber. Pourvu que la route soit praticable. Nous prendrons par Meudon et Pièvre. Freddy. Oui. Ordre du patron. Filez le train à cette traction. D'accord. Et pour notre santé à tous, il vaut mieux ne pas la perdre. Compris. Fais-moi confiance. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Maurice Ténac, le capitaine Blake, Jean Ozen, le professeur Labrousse, Fernand Rosena, Charquet, Serge Sauvion, Freddy, Robert Chandot, le commissaire Pradier, Maurice Nazil, Ulrich, Raymond Vatier, Madame Petit, bruitage et imitation, Joé Noël, chef opérateur du son, Jean Jusforg, collaboration technique, Bernard Galli, assistant Jean-Claude Létard, musique originale, André Pop, réalisation, René Villemay. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemay. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 12e épisode. Envoyé en mission en France, le professeur Mortimer a disparu alors qu'il explorait les environs de Jouy-en-Josas. Le professeur Labrousse, son hôte, s'inquiète vivement et se rend à la DST, où il rencontre un ami de Mortimer, le capitaine Blake, de l'intelligence service. Puis, Labrousse emmène l'anglais chez lui, rue de Vaugirard, d'où il téléphone à Jouy-en-Josas pour avoir des nouvelles de Mortimer. Mais leur conversation, captée par un micro dissimulé dans l'appartement de Labrousse, est retransmise par des écouteurs qu'un curieux homme a coiffé dans l'appartement voisin. Il s'agit d'un nommé Henri, et nous avons vu en réalité qu'il s'agit du terrible Ulrich, l'ennemi juré de Blake et de Mortimer. À peine Labrousse et le capitaine sont-ils repartis dans la traction avant du météorologue, qu'une grosse voiture américaine bleue se lance sur ses traces, au volant Freddy, à côté de lui Charquet. Or, nos amis ne se sont aperçus de rien. Eh bien, mon pauvre Blake, nous ne sommes pas encore arrivés. Sur cette neige à demi-fondue, on dérape terriblement. Et puis le vent s'est levé, regardez-moi ces tourbillons. Allez aussi vite que la prudence vous le permet, mon ami. Ah, j'ai tellement hâte de rentrer à Jouy. Mais dites-moi, que vous a dit Catherine au téléphone à propos du percepteur? Oui, d'après lui, le trou salé serait une sorte de marécage situé du côté de Toussul-Noble. Une heure plus tard, l'attraction arrive devant le domicile de Labrousse à Jouy-en-Josas. 100 mètres derrière, une Ford bleue se range le long du trottoir pendant que nos deux amis entrent dans la villa. Un télégramme pour vous, monsieur le professeur. On vient de l'apporter. Ah, donnez vite, Catherine. C'est peut-être de Mortimer. Blake, c'est bien de lui. Écoutez, suis retenu par enquête. Tout va bien. Dites à Blake de ne pas s'inquiéter. Excuse et amitié, Mortimer. Vous permettez? Naturellement, tenez. Ah, curieux. Quoi donc, mon cher? Ce télégramme a été expédié de Paris à 15h. Donc, au moment où nous nous mettions en route pour Jouy. Et le bureau d'origine est celui du 6e arrondissement. Du 6e? Mais c'est le mien. Ah ben, voilà qui est étonnant, par exemple. Pourquoi, connaissant mon domicile parisien et se trouvant dans le quartier, Mortimer m'a-t-il adressé un télégramme ici? C'est juste. En résumé, on pourrait croire que notre conversation téléphonique avec Catherine a été entendue par quelqu'un qui voudrait nous dissuader d'effectuer des recherches. Mais dans ce cas, Blake, cela signifie que nous sommes sur une bonne piste. Oui. Et plus j'y pense, plus j'ai l'impression que ce télégramme est un faux et que notre ami est réellement en danger. Alors ne perdons pas de temps et allons au trou salé afin de voir s'il peut réellement nous apprendre quelque chose. Oh, vous repartez déjà, monsieur le professeur? Oui, Catherine, il le faut. À tout à l'heure. Eh bien, à tout à l'heure, messieurs. Oh, quel temps! Oui, ça n'arrange rien. Et du trou salé, il faudra retourner à Paris. Pensez que notre réunion avec Pradier est prévue à 8h. Oui, avec cette neige, la route de Toussul-Noble ne sera pas facile. Allons-y. Tiens. En panne. Par exemple. C'est impossible, elle sort de chez le mécanicien. Allons voir ça. Voyons. Voyons, côté carburateur, ça paraît normal. Aucune bougie n'est débranchée. Ici. Bon. Damn! Regardez! Regardez, c'est bien ce que je craignais, un sabotage. Comment? Un sabotage. Voyez-vous-même, on a coupé le fil de Delco. Oh, les gredins! En plein jour, quelle audace! Mais comment ont-ils pu... C'est aussi ce que je me demande, et... Mais, dites-moi, la voiture que vous avez vue aux étangs, n'est-elle pas du même bleu que celle qui est rangée le long du trottoir, là-bas? Et oui, en effet, il me semble. Autre chose, ce monsieur Henry, votre voisin de palier, possède-t-il un chien? Ah, ça par exemple, vous aussi! Comment? Oui, Mortimer m'a posé la même question. J'ai même souri à l'idée d'un molosse au milieu des bibelots précieux de monsieur Kvarnström. Quoi? Quel nom avez-vous prononcé? Kvarnström, père Henrik Kvarnström. Mais ces noms nordiques sont si difficiles à prononcer qu'on l'appelle tout simplement monsieur Henry. Et bien entendu, il s'occupe d'import-export. Oui, c'est bien ça. Mais... qu'avez-vous, capitaine? Venez vite! Mais enfin, me direz-vous... Mais qu'est-ce qu'il a? Quelle mouche l'a piqué? Allô? Allô? Allô? Eh bien, mon ami. Bien joué, le téléphone est coupé. Le téléphone aussi? Ça me direz-vous ce qui se passe? Eh bien, il se fait que ce monsieur Henry, votre cher voisin, n'est autre que le destinataire du message secret que vous avez déchiffré ce matin. Mais il est très probablement aussi le chef d'un mystérieux réseau de sabotage chargé d'une mission pour le moins originale qui consiste à perturber le temps. Mortimer avait donc raison. Et ces gens-là sont extrêmement dangereux. Oh, ils ne reculeront devant rien. Ils ont certainement su que la custom bleue avait été identifiée par Mortimer aux étangs de la Geneste. Surprendre notre conversation téléphonique a été un jeu d'enfant pour M. Henry. Se doutant que nous avions relevé sa trace, il nous aura fait filer par des hommes à lui qui se sont arrangés pour nous isoler ici à Jouy en nous coupant de nos amis de Paris. Je comprends, ma voiture et le téléphone sabotés. Eh oui, mon pauvre ami. Il est à peu près certain que les occupants de l'Américaine bleue qui stationnent dans la rue ont pour mission de nous guetter et d'empêcher toute sortie. Mais alors, Blake, que faire? Il faut coûte que coûte alerter Pradier de la DST. Mais comment sortir d'ici? Je suis sans armes. Comment peut-on gagner Paris autrement que par la route? Le chemin de fer étant coupé entre Versailles et la capitale, il ne reste que la ligne de Jouy à Massy-Palaiseau et le métro part de Massy. Mais je ne connais pas les horaires. Et puis comment gagner la gare de Jouy sans être vu? J'en fais mon affaire. Y a-t-il une sortie derrière votre maison? Non, mais en passant par les jardins qui s'étagent à flanc de coteau, vous pourriez arriver à un sentier qui longe le parc de Montebello pour redescendre ensuite par une voie qui coupe ma rue à une dizaine de mètres derrière la custom. Ensuite, vous arrivez tout droit à la gare. Ah, parfait. Quant à vous, cher ami, faites en sorte que les forbans qui montent la garde en bas nous croient toujours ici. Et aussitôt que possible, alertez Pradier, qu'il me rejoigne au plus vite chez vous, rue de Vaugirard. Entendu, allons-y, je vous accompagne derrière. Rapidement, Blake et Labrousse gagnent le jardin qui fait suite à la villa du météorologue. Parvenus à la limite de la propriété, les deux hommes se serrent la main avec affection. Bonne chance, mon cher ami. Merci. Ne vous inquiétez pas. Non, j'essaierai. Mais avant de partir, prenez donc les clés de mon appartement de la rue de Vaugirard. Elles peuvent vous être utiles. Mon cher professeur, vous auriez fait un excellent détective. Merci. Et au revoir. Good luck, Blake. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, calme-toi, Gorille. Tu sais bien que le bâton ne veut pas qu'on agisse sans ordre. Ah, mais moi je suis de naturel méfiant. Et je vais aller faire un petit tour du côté de cette villa. Je flaire du louche. Par ce temps de cochon, t'aurais une les bouchées que ça m'étonnerait pas. Bah, laisse tomber, Freddy. Et oublie-moi. So long, chap. Pourvu qu'ils réussissent. Ah, les bandits. Les rideaux, oui, de cette façon, de leur voiture, ils me verront certainement. Il faut que Blake ait le temps de filer. Mon Dieu, mais c'est la voix de Catherine! Catherine, qu'avez-vous? J'arrive! Minute, grand-père! Oh, les mains! Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Maurice Ténac, le capitaine Blake, Jean Ozen, le professeur Labrousse, Fernand Rosena, Charquet, Serge Sauvion, Freddy, Geneviève Morel, Catherine. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Ces épisodes, 9, 10, 11 et 12, ont été diffusés pour la première fois sur France 2 Régionale les 31 mars, 3, 5 et 7 avril 1962. À suivre.